Témoignage de Monsieur Collinet Hermand, surveillant magasinier à Amé, 71 ans. Ce témoignage a été recueilli par Messieurs Dechesne et Mikils au mois de mars 1980. Les départs des organisations syndicales, les départs, on a vu peu de temps qu'on a vu des coopératives et des mutuelles. Je me rappelle bien Charles dans le monde des pubs. Ça, je me rappelle, c'est un gamin, puisqu'il vient de mourir Charles. Et le monde des pubs, c'est donc Charles Acosté, de toutes ces activités-là. Mais nous estimons à ce moment-là, on a 13-14, hein? C'est pas me rappeler. C'est le début de le monde des pubs. Oh non. Ça, c'était un peu vite, ça. Là. Je ne saurais rien dire, ah, juste mais Charles. Parce qu'il y a cette voix des autres, devant ces Charles, non? Et qu'est-ce qu'on fit vers 13-14, c'est le monde des peuples, Charles? Ah ben Charles, vers 13-14, il a vu, d'un point de vue culturel par exemple, il a vu une grande animation en bibliothèque, en dramatique, en harmonie. Et puis, tous les dimanches, il a vu une organisation ou l'autre qui percevait les cotisations. C'est-tu le mutuel, c'est-tu le syndicat des houilleux, c'est-tu le syndicat des briqueteux, et des métallurgistes. Est-ce qu'il y avait des conférences qui... À ce moment-là, il y avait un accord entre les partis libérales progressistes et les socialistes, qui menaient des conférences tous les coins du en Cochal et en Kuala-Ekodorfi et Vietch, des conférences qu'on nommait une seconde. L'extension universitaire. Et qu'est-ce qui venait de ces studios, des leaders politiques ou bien? Des leaders politiques. Nous avons, et Charles, il y a eu des hommes, des éminents hommes de passage, Charles. Qui, par exemple? Van der Velde n'a pas venu, Charles. Mais Joseph Wouters, Colou, Delattre. Je me rappelle tout ça. Joseph Wouters, Arthur Wouters. Nous te connais des autres, mais. C'est long, tout ça. Hein? Il fallait pas y pour assister à ces conférences. Non. Il n'y a que quand j'ai studié dramatique. Donc, Charles Lassalle, dramatique, et il avait un drôle d'intrigue parce qu'il fallait tout de même descendre. Pour... Mais il avait une bibliothèque qui était extrêmement bien suivie, Charles. Ce qu'on voit le pasteur d'ailleurs. Hein. Et il avait enfin tous les grands auteurs sociaux, hein. C'est comme ça qu'on dit. On peut dire, hein. Il n'avait des centaines de volumes. Il n'avait vraiment des ouvriers qui venaient. Oui, ça est bien sûr, à ce temps-là. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une différence. À Wasteur, hein, nous avons une bibliothèque communale, là, mais ça n'est plus sur vous comme ça de vous laisse, enfin, non? Il y avait des anarchistes qui arrivent à ces conférences-là. Oui. On avait que nous, qui bien, Charles. Oh, il y a que nous, surtout, il y a cette relation, surtout à vous, oncle. Qui s'appelait Arthur Wilkin. Qui possédait le même, déjà, une bibliothèque pour un homme. Il y a ça y est plus que ça étudie nous parce que je sais plus bien qu'il a vu vraiment des volumes. Quand il a allé, est-ce que les petites filles sont désintéressées de ça c'était éparpillé comme ça. Mais c'est un orateur, c'est là. Non, je ne pourrais dire que c'est un orateur, mais c'est-tu, comment dire, non? Un militant anarchiste. on compte les violons, non? Anti-violon. Mais c'est un anarchiste. Il venait dans le monde des peuples. Oui. Il est une intention à ce moment-là. Il n'a vu des autres. Il n'a vu en Colombie Julien Dradin, aussi anarchiste. Il n'a vu à Sainte Gobain, anarchiste. Mais qui n'est une aussi lettré qu'Arthur. Hein? Arthur a vu faire les Tours de France, comme on dit à ce moment-là. C'est un blanc bien zingueur. Et alors, nous voulons un travail par propre patron. Il perdit le sac à dos et il aligne comme ça, bien souvent des cinces en cinces, pour récolter de l'ouvrage, pour faire des réparations sur les toitures, des cinces, etc. Et c'est comme ça qu'il a passé des années à France, Arthur. Et là-bas, il a rencontré, bien sûr, des gens. Des torseaux. Oui, hein. Et il est assez humoriste, hein. On a dû raconter ça. On a dû devenir un bistrot à France, à comptoir, il reste compteur en curé. Et alors il lit conversation ou le curé, et pas fini l'idée, d'une vouère de temps pour faire devenir protestant en curé. Bon, curé, c'est voir. Est-ce que vous tenez le pari de ce temps? Pourquoi non? En français, alors, le curé, là. Arthur, il se recette un petit peu énergie et il donne un coup de pied et coup en curé. Alors, le curé proteste. Vous voyez, bien, est-ce que vous voulez nous protestons? C'est un de curé. C'est des anecdotes comme ça qui Arthur servait. Mais une documentation exceptionnelle, non? C'est un article récable. Oui. C'est le journal préféré à ce moment-là des libres penseurs, c'est la calotte, hein? Dis-nous malheureusement un peu nous les choses de ça. Ben, c'est Charles Bram un peu scientifique parce qu'à ce moment-là, la calotte, c'est il a vu des dessins même osés là-dessus, hein? C'est ça, anticléricaux. Anticléricaux. Le curé avoue des nonnettes, etc. Hein. Sous Charles, c'est beaucoup plus scientifique, sous Charles. Hein, c'est... Est-ce qu'on Joseph dit franc-maçon, dit-il là? Oui. On Joseph dit franc-maçon, comme on ne dit quoi ce que Sans plus, trop bien. C'est ça, parce qu'ils ont l'habitude de se cacher, hein? De me avouer quels sont, je ne sais pas pourquoi, je ne m'ai jamais expliqué pourquoi. Celui-là m'a dit que j'ai une infinité de bons camarades qui fait partie de la franc-maçonnerie, mais qui n'ont jamais estimé me le dire, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu déjà comme cela? Oui, devant ce temps-là, c'est-tu qu'on peut cacher à ce temps-là. Pourquoi? Bien, tout d'abord, devant les militants socialistes, qu'à dire dans la franc-maçonnerie, il a vu surtout seul que les ouvriers ne le savent pas rien qu'ils étaient franc-maçon parce qu'ils ont voulu venir les ouvriers, et comme tu dis, ils font faire partie de cadres. Etc. Non, mais vraiment, on ouvrit manuel, on acceptait une aide à la franc-maçonnerie. Hein. Alors, un militant socialiste qui appartenait à la franc-maçonnerie, c'est eux que me dirais-je. Ça militait un peu à contresens, enfin, non? C'est vraiment. Surtout pour cela. Ben, c'est surtout parce pas cela. Parce que. Des libéraux, là. Alors, ah oui, des libéraux progressistes, et écorasteurs, d'ailleurs, ça le repère, sous là, non? Mais et quoi, ce que en franc-maçon, une donnée qu'il est considéré comme un adversaire, c'est une année ça, mais à partir du moment où ce qu'on discute ouvri, il y a là un petit choc, hein, parce que les ouvriers ne sont acceptés devant leurs affaires, hein. Nous, il y a de bons camarades, tu vois. Terroigne, est-ce que tu, franc-maçon, hein? Jacquet, est-ce que franc-maçon, donc, le premier mailleur socialiste dans moi. Parce qu'il avait une famille, Charles, mais homme saint, qu'est-ce que surtout d'origine de franc-maçonnerie, hein, c'est que les collinés, l'homme saint. Non, c'est colline à vous deux, alors. C'est des libéraux, mais question de francs-maçons, parce que même, elle intrigue, je me rappelle, elle intrigue et poche de mon colline à Homme-Saint, de mon Fernand, et ce poche, il a vu les enseignes de la franc-maçonnerie, question donc à Carlache, et je sais bien que les origines connues de la franc-maçonnerie, c'est des militants francs-maçons, c'est les collinés d'Homme-Saint. C'est elle qui avait amené Charles. Oui. Et d'ailleurs, Jacquet, le premier mailleur d'Amant, avait marié une fille collinée qui promenait d'Homme-Saint. Oui. Est-ce que ça n'a vu plus dix fois ce distinct-là qu'à ce livre? Je ne sais rien, parce que parmi, ça meurt mystérieux parmi, hein. On a un Joseph plutôt plus ou plutôt moins? On a Joseph surtout, donc, des loges. Quand Hitler a pris ce décret contre les francs-maçonneries. Avant la guerre 40, donc, non? Hitler est contre les francs-maçonneries. Alors, bien sûr, Rex de Grelle a suivi, non? Alors, c'est bien là ce qu'il y a qu'on peut faire, hein? D'éteindre la guerre, hein? Nous avons, c'est à vous, Colmont, des rues, francs-maçons, docteur Colmont, et nous avons, c'est à vous, ici, les petits bourguignons, instituteurs. Qu'est-ce que parenté la famille Colline d'Homme-Saint par ses fermes francs-maçons quand ce fusilier devait une carrière à Arrin, hein? Par les gardes wallonnes. Oui. Est-ce que les anarchistes s'étaient inquiétés pendant la guerre par les Allemands? C'est-à-dire... Tout le monde pouvait s'inquiéter par les Allemands dans la guerre. Nous autres, nous devions être optés. Pour dire top là, nous devions être optés un peu. Et non? Alors, tu ne venais que nous avons voulu déporter Charles, qui se dit qu'il est anarchiste, à moi. Tu ne venais que nous avons voulu déporter devant les anarchistes, devant réellement les ceux qui sont anarchistes, sont trop. Mais de notre côté, nous sommes à vous. Des socialistes. Arthur Wilkin et Hassan Gomel, c'est une Charles pendant la guerre. Il est tout meilleur avec Arthur. Ah, c'est déjà moins. Mais à Saint, le Vekievko. Les communistes, il en a fait des rafles. Si, ah non. Raf communiste et raf socialiste, hein. Oui. Et on peut arriver à quoi après les six questions les plus syndiquées et les plus. Et les dialogues coopératifs. Tout ça. Mais il y a gestion de la coopérative, je n'ai jamais été inquiété. Mais c'était un camarade qui a été déporté, qui travaillait pour vous, Drockmann, qui fait les fonctions de Mahur, Charles, et qui est mort à l'Allemagne. Comme nous avons été notre secrétaire communal à Montras, déporté, mort à l'Allemagne. Il fallait venir à l'évier d'éteindre la guerre, non? Les sujets que nous avons, comme voilà nous autres, des habitués dans le monde des peuples, etc., il fallait venir à l'évier devant les centres. Rixi, c'est tout cela, non? Pourquoi? Ah, mais c'est, ça, c'est réglé d'avance parce que toutes les déportations qu'on a voulu des communistes et des socialistes, c'est ça des dénonciations, non? Ça. Des camarades. Les Rixi, c'est une brama plus fouée et qui charge. C'est ça. C'est ça. Il a vu d'ailleurs le centre d'activité est vieille. Hein? En pareil chimique, elle s'appelle bien. Dinali fait vieille qui compte fallait bien. À ce temps-là, il a vu que la pharmacie solitaire, par exemple, eh bien, fallait vieille. Mais il y a la pharmacie vieille, mais Dinali fait un bureau en verre. Ni tout ça, il y a la film commission vieille qui est remontée. Il fait une m'amuser, par exemple. Il n'a pas pu en faire partir existe, Chalam. Ah ouais, non. Ah ouais. Qu'est-ce que tu surtout influencé par le docteur de Pontière, hein? Une personnalité qui a vu en nom, si tu peux dire, et qui a vu une certaine influence sur les jeunes. Les jeunes. Il a d'ailleurs un fils, quand Mauriac, en franc russe, et un autre, il en avait deux, et un autre qui était l'Allemagne pour le moment, qui a marié dans le monde et qui n'a jamais pu revenir après Charles. Et c'est en partie que tu montais devant la guerre ou d'éteindre la guerre principalement? L'Erexis? L'Erexis de Chalam. Ah, devant la guerre, hein? Devant la guerre, il n'avait pas l'Erexis. Ah, ouais, non. Et il faisait des meetings? Ah, oui. Ah, ouais, non. Oui. Et qu'on l'a y fait. Ah, il me rappelle, par exemple, il me rappelle d'un meeting à Stockey ou de Grelle. C'est tu à Stockey, que m'est-ce qu'on illumine maintenant les salles à Stockey, là. Enfin, c'est la plus grande salle à Stockey. Charles Sol Place a dit le monument, là. J'ai trouvé le nom que mec qu'on illumine à ce temps, là. Eh bien, il n'avait plus élevé des contre-manifestants qu'elle seule. Mais aux amis, font nos autocars. Femmes et hommes, et jeunesse plus ou moins, en autocar, et surtout, avant le matraque ou le baston, le moins. Non? Et Gastin, là, je comprends. C'est des milices privées. Et alors, le matin, qu'est-ce que c'est à local, qu'est-ce que c'est de nier à local. Et nous autres, nous estimons donc sur la place devant le local à Monument, qu'on brille, et tout cela, il y avait déjà des haut-parleurs. Et nous avions privé où? Dans le prêtre qu'on est sorti, oui. C'était, parce qu'il arrivait dans une grande limousine, et on nous avait privé où? De saboter la limousine, enfin. Mais là, nous avions saboté, lui, aussi. À la place de quand le matin quand c'était fini, à la place de sortir par les devant, par les façades des locales, il a sorti par pour les drilles et on l'a moins vu. Et on l'a moins vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en est sous-là? En 36, 37, pour le plus sûr. Est-ce qu'à ce moment-là, on sait pas déjà qu'il est en rapport avec Hitler, qu'il a vu des sangs? Ah, il a vu des tendons. Oui. Il a le déhéfné, lui, naturellement, mais. Oui, hein. D'ailleurs, il a été financé par, bien sûr, par Hitler, mais qu'on parle des autres. Quand vous avez dit, par exemple, qu'on distribuait tous les dieux, le pays réel, pour rien à toutes les populations. Une gazette. Ah ouais. Oui. Et à mars, élections, ils avaient à vous des conseillers? Il n'a jamais voulu l'élu à moi. Non. Qu'il n'avait à vous à eux? Il n'avait à vous à eux, oui. Mais Shalom n'a jamais voulu. Non. Et à la coopérative, dit-elle, la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais, dans la guerre, la coopérative, tout d'abord, après l'évacuation, nous avons rentré al bolgi, se gli pudia, usché. On qua rief, a ramassé le camion, che vince tu. A vale voi, a l'edvò, parce che... C'est stucco d'edvò. Et entre parenthèses, on a vu n'est-ce trop malheureux, on a vu récupérer vraiment. Alors, on a rattaqué à faire de la production de points, ravitaillement, bien sûr, timbre, etc. Et également, on a servi charbon, parce que nous avions un arrangement à vous ce qu'on oublie les secours d'hiver. On peut... Ça, c'était un mai, sur la fin de l'année, où quand on a commencé à s'organiser, nous avions un arrangement ou le secours d'hiver. Ce qui consistait, on recevait tout le charbon par bateau. Et on distribuait cela en face de l'aigle noir, qui est ce nom-là. Qui est d'autres bandes. Et tu me dis, ben, distribuait le houille à ce moment-là. C'est tout monté le houille, il faut débattre le bon, ça vous. À une bonne saucisse, pas le venir vu devant les camions, hein, non? Alors, ça s'est compris comme travail lourd, ça. Et nous avions dû, notre brigade, nous avions dû, comme travail lourd, en boquette de pain de plus, et on nous a parti faire un bol de soupe tous les jours, dans le prison des rues. Le soupe à la favette, comme les prisonniers. Comme les prisonniers avaient. Et c'est ça qui nous avaient des puces comme travail lourd. Et on distribuait tous les jours? Ben, c'est-à-dire, tous les jours, il y a eu des batailles pour l'Union et il y a eu des batailles pour les secours d'hiver. On fait trois ou quatre batailles tous les mois, enfin. Ça dépend de ton âge aussi, également, des batailles. Hein. Et c'est-tu des batailles pour Ama, non, pour U? Pour U? C'est-tu à Hussa? C'est-tu pour toi? Non. Ama, est-tu considéré devant une autre zone? C'est-tu surtout Benahin, Wons, Honté? Donc vous offrez une pour à l'Union contre c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je n'ai jamais été trop inquiété, mais parce que je suis devant une brigade de travail lourd. Je n'ai jamais été où qu'à l'Ouerbestel, ni tout cela. Destiné en père tranquille, en père tranquille. Ah ouais, ah ouais. C'est une vraie de c'est une réellement une vraie de débardeur, ce qui n'a vu de plus, comment dirais-je. Des pudeurs. Des pudeurs. Face figurée, monter fou dans ma terre, une bonche, des tiers bonches, ça c'est sport. Hein? C'est comme ça, d'ailleurs, d'avance, quand on le faisait, hein? On a. Les poussières qui font tout mieux pas devant les reins, là, hein, et on te pose un peu gros, et à la fin de la journée, il va juste y blesser, enfin. Hein. C'est une vraie de pour ne pas exagérer, de martyr, enfin. C'est fallu le café sur la houille, à l'oreille. Tu as perdu également, tu as fait également des bâtons de maïs, non, après, devant la guerre. Il fallait, là, c'est monter de 7-5 kilos de bataille. Tu dis qu'il y a d'autres bancs? Non, à Statsou, là. À Statsou. À Moulin des Statsou. À Moulin des Statsou. Oui. N'est-ce qu'il y a l'ouvrage de ce qu'on lui met les lettres de bas, sous là? Ça permet de sous-là, mais. Mais avait entendu des jardins à 7, des béveux. Ouf! Il a vu, oui, je viens de le dire, il a vu que nous avons les Chilo et l'Empereur, c'est surtout de ces deux-là. C'est-tu le nom Métou, celui-là? Chilo, c'est-tu le nom Métou, mais l'Empereur, c'est-tu réellement ce nom, l'Empereur? Il a une fille, il cru, qui meurt à Stade et qui était en café, à Stade, à mon l'Empereur. Ben, c'est-tu surtout des débardeurs, des moulins et des Stades, hein? Travaillent une fin que ça. Et quand on a vu un débattre à Desserdi, à ce temps, eh ben, c'est une moto de l'étude de bail, parce qu'il estime te faire, qu'est-ce que c'est pour une menine, là, sur les petits ponts de mes haies, là, hein. Det är det vi vill peka in, ja. Så, man kan öppna. Vi läste i Pusewari, det vill ju någon kan beväpna, för exempel. Ja, ja. Alors, pendant la guerre, on a, comme ça, arrivé à la fin de la guerre, tant bien que mal, en distribuant des charbons donc, pour les secours d'hiver, on fait même dermis à domicile, en sac de 50 kilos, et à côté de ça, nos films de prise devant les fermes, pour ravitaillement, du froment, avoine, et c'est tout. Mais ces prises qu'on fit, alors c'est-tu pour résistance? Ah non, non. C'est-tu sur le conseil des Allemands? C'est-tu sur le contrôle des choses de l'agriculture qui se trouvait flanque de potes, là, les fameux. Comment est-ce qu'on le met sous le nom? C'est-tu. Ravitaillement, enfin. Donc, c'est organisé pour les Allemands? Ah oui. Et nous minions sous l'un des autres, ce qui nous ont vu devant la science, c'est tout offert pour le moulin Troquet, qui n'existe plus là. Ah, oui. Est-ce qu'il y a des rues? Il y a du coin. Tiens. Il est de Vervi, mais il habite du coin. Ah. Il y a ce sauvain au coin, on sait bien, nous y finissons des prises des choses aussi, hein, devant les saints, hein. Comment est-ce que ça se passe sous là? Les saints, ils s'épinent sous là que vous allez. Ah, mais c'est les saints ici qui téléphonent, on tire du nos bâtons, et faut amener, enlever non. Parce qu'on tient une main de voir des années un peu, hein. C'est le contingentement qui. C'est ça. C'est ça. Mais il y a un bureau qui est Joseph Charles a eu, que tu as deux potes là. Ça a vu pas non. Il y a rouvé sur là, hein. C'est une agriculture. Et les saints, elles ne cachent, évidemment. Bon, mais. Ce qui tient bien, c'est qu'on faisait venir quoi, si on avait un kilo d'azel. Oh non. On se raffive quoi, bien qu'on a tif. Et non, camion de frémin a enlevé devant tel saint, c'est pas réalé. Mais. On se raffive un petit peu, mais. Parce qu'on comptait, on a vu tout faire ces petits sacs, hein. A voulu. Comme ça, c'était assez pas content qu'on pourrait avoir un kilo ou deux de fromage, mais. On avait un sauvain russe. Les bandines. Oh, mais ouais, non. Mais il y en a été, Charles, mais à 45 francs le kilo. Et c'est-tu normalement combien? À ce moment-là, les ravitaillements peuvent dire devant les 2 francs 25, pour le plus sûr, non? Oui. Mais marché noir, il n'a pas eu Charles à 45 francs, parce que j'ai vu mes petits gamins, qui va avoir 40 ans. J'ai vu mon papa Charles et ma maman qui était malade. Hein? Il fallait essayer d'améliorer un peu l'ordinaire, hein? Ah oui, c'est une époque difficile, très difficile pour certains. Je me rappelle bien, j'avais des parents absents. Et elles, ils avaient des facilités, ils avaient un peu des bourres et de l'or. Eh bien, tous les samedis, j'ai repassé pour mon parrain, et on m'a eu fait mes petites choses. Mes petits colis, des bourres et un pot de l'or. Eh bien, quand j'ai vu pas, il m'a demandé un peu voir de ce qu'on m'a vu ni à l'union. Quand j'ai vu pas, mes quarts de kilos de bourre et mes petits bocats de l'or, eh bien, il m'a demandé un peu voir de ce qu'on m'a vu ni pendant sa mère. Et on est tout heureux. D'accord. Très heureux d'avoir parvenu à avoir un petit pot de bourre et un petit pot de l'or, hein. Ah oui? Il y avait une des peintes qui s'est d'aller happer à mon essentiel. Oh, si, oui, non, Charles. Non, c'était où des peintes? S'il y a un homme. S'il y a un, il y a des gens qui sont fait ramasser, des gens qui sont de l'Allemagne d'ailleurs, Charles. Pas cela. Hein? Pas cela. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a eu des bêtes organisées d'ailleurs. Il fallait faire ce déni pour faire ça, non? Mais il n'a jamais parvenu à le faire, cela. Malgré qu'il y a eu des besoins considérables, Charles, il n'a jamais studé en nut, ni tout cela. Parce que, tout d'abord, il n'a vu ni cette mentalité-là, et en plus, il n'a vu plus que Michel, pour mon papa et maman et mes petits gamins, hein, qui ont perdu ce maman. Qu'est-ce que tu as fait là, donc? Si je m'avais fait attraper, je ne sais pas, comment on a revécu Michel à ce moment-là. Ben, on a vu des pointes organisées qu'Aline se les compagne, non? Est-ce qu'il y avait là aussi une résistance qui, de temps à temps, faisait une brûlée des mouilles si, oui, à mon oncle l'autre? Si, oui. Si, oui, non. Il y a contre les Saint-Cy, ce n'est que les premières raisonnées, ça, dans la guerre. Mais pas fini, les Saint-Cy avaient reçu des ordres qui devaient mettre autant une puissance de culture d'autant d'hectares, ils devaient mettre autant d'hectares de golza ou des mestres, non, je l'en. Du lin. De l'ail. Des plantes. Pas fait de l'eau. Alors, ça c'était ça. En 40 trucs, sans doute, selon. Eh bien, les résistances, quand les récoltes étaient faites, on allait finir de bons pinceaux d'hier des vins. Hein? Ah oui. Oui. Un avion brûlé, Charles. Ah bon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon marshal, hein, mais c'est sur mon marshal, ventre les sens de mon marshal. Où est-ce qu'il n'a à vous les fameuses affaires à la libération, là, hein, non? À le sens de mon marshal. Où est-ce qu'il n'a à vous qui est bien dans moi brûlé par les Allemands, là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est-à-dire qu'on a vu les Allemands estiment battre en retraite et estiment Charles devint tous les prix, camouflé, comme à la guerre. Et à le sens de mon marshal, il avait un noyau de résistance et il avait tué un officier. Les Allemands? Une bêtise, enfin. Il avait tué un officier, qu'est-ce que Charles cantonné, Charles devint le prix. Et alors, pour vous indiquer les officiers, ils ont donc c'était fait une battue à l'sens, là, et tout qui l'ont rencontré, il avait mis tout le feu devant l'estreint à l'sens, et tout qui l'ont rencontré à Jean-Bord à l'sens, ils ont gagné feu. Ça aurait pu dire le nom par Dieu, ce qui n'a pas été à moi, ni brûlé, mais il n'a pas été. Vous savez. Ça compte, hein? L'escalier petit gamin, un petit gamin, hein? Qu'est-ce que tu avoues, ce papa? Accidentellement, bien sûr. Ou tu as des gens qu'elle ne veuille. Après une tarte ou après un bouquet de poing, hein? Et ils ont ce prix, là. À ce moment-là, on les a gagné à feuille, c'est-tu des SS, d'ailleurs, Charles, non? Et quand il y a des bêtises, et il y a eu des camarades à résistance à ce moment-là, il y a eu des. Pour moi, ils ne savent jamais. Ils ne rallient trop vite. Ils ne font rien faire. Pour les espérer qu'ils ne les rallient. Parce qu'ils vont être en retraite. Pourquoi ils mettent des bois devant les roues? Hein? Pour moi, ils ne savent pas aller trop vite pendant les voûtes, Charles. Et alors, les résistances, mais qu'on peut dire, les affaires comme ça. Alors, Charles, par exemple, Charles Poudry, il avait installé une citerne d'essence et il puisait des bidons d'essence fous dans la citerne pour ravitailler le camion prêt. Et il a eu un camarade, Charles Netopré, qui voulait absolument mettre de l'eau, de l'air et l'essence parce que les bidons étaient démarrés là, et elles courent. Et les Allemands estiment tant que fille remonter à la salle pour les limonies. Et lui estime nous, pour me dévider de l'air, devant les bidons d'essence. Je crois que c'est une folie, à ma vie. Ce n'est comme ça qu'on fait la guerre. Quand l'ennemi court à vous, ce n'est à ce moment-là qu'il faut arrêter. On ne s'arrive pas de le tuer qui peut vite, même. Mais la conception, même de supposer qu'on peut remarquer. Pour... Il l'avait fait. Non, il n'avait rien fait parce que. On nous avait opposé à cela. Témoignage.